La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. Les Gaillards de Jonquière ont perdu 37-14 contre la formation de Saint-Hyacinthe dans le Bol d'Or Division 3. Ils ont échoué dans la tentative de remporter un Bol d'Or pour une deuxième année consécutive. On parle avec l'instructeur François Laberge. Salut François. Salut Danny. François, défaite de 37-14. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'était un match très serré jusqu'au quatrième quart. C'était 16-14 pour Saint-Hyacinthe au début du quatrième quart. Puis ils ont réussi. Au quatrième quart, ça s'est reviré rapidement quand eux ont réussi à faire une longue séquence contre un touché. La séquence offensive suivante, ben, ils ont créé un échappé qui ont ramené jusque dans la zone des buts. Donc, à partir de ce moment-là, le match était plus difficile. En fin de match, on a essayé un quatrième essai dans notre territoire qu'on n'a pas converti. Donc, eux ont réussi à reprendre le ballon profondément puis ont inscrit leur troisième touché du quatrième quart. Là, mais ça le score n'indique pas l'allure du match. Ça a été un match très serré. C'est vraiment à 9 minutes du quatrième quart que là, les choses ont déboulé du côté de Saint-Hyacinthe. Tu me l'avais dit avant de rentrer en dehors des ondes, tu me l'avais dit avant de rentrer en ondes également que c'était une équipe très bien préparée. Oui, c'est une équipe très bien préparée qui a fait un game plan à quoi on s'attendait aussi. C'est juste qu'eux, ils ont été capables de faire les gros jeux que nous, on n'a pas réussi à faire. On a manqué d'opportunisme un petit peu, des ballons échappés, des passes légèrement trop longues, des jeux qui auraient pu faire la différence dans le match. On a manqué de discipline aussi. On a pogné des pénalités, mais les pénalités, c'est surtout à des moments qui ont fait mal, là, des pénalités coûteuses. Donc, c'est des pénalités qui sont comme à double conséquence, c'est-à-dire qu'eux en profitaient rapidement après que nous, on prenait des pénalités. Donc, je pense que c'est les petits détails qui ont fait la différence. Puis, Saint-Hyacinthe a juste mieux fait les petits détails. OK. Dis-moi, dans l'ensemble, content de la saison pareil, encore une participation au Bol d'Or. Donc, il y a de quoi être content, là. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être content, c'est sûr. Ça va prendre quelques jours à faire le deuil de la défaite, c'est normal. Mais je pense que dans l'ensemble, faut être content de ce que les gars nous ont donné. On a commencé au mois d'août, on a eu un match par défaut, les gars sont bien revenus. On a réussi à bien performer tout au long de la saison. On a réussi à gagner nos deux premiers matchs de série, dont une demi-finale très corsée contre un très bon adversaire qui est le Cégep Antique. Donc oui, je pense qu'en général, éventuellement, on va être capable d'apprécier ce qu'on a fait durant cette saison-là. Mais présentement, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Puis moi, je pense juste déjà à 2020. Tu penses déjà à 2020, évidemment. À quoi ça va ressembler déjà 2020? Ben écoute, on a des gros morceaux à remplacer, mais on garde quand même une bonne base, dans le sens que notre corps arrière peut revenir, Fred revient, on a des bons porteurs de ballon encore qui étaient recrues cette année, qui ont eu peu de chances de se faire valoir avec les deux vétérans qui étaient devant eux, mais qu'on pense qu'ils vont être capables de faire un super travail l'année prochaine. Ensuite de ça, ben il y a plusieurs positions où il faut recruter receveurs, ligne offensive, demi-défensif, secondaire, faut aller chercher des joueurs, pardon Danny, à ces positions-là pour se restructurer. Mais je pense que à la base, nous, on vise à être encore une équipe de haut niveau l'année prochaine. OK. Est-ce que tu peux dire que tu es en rénovation? Non, j'appellerais même pas ça une rénovation. C'est vraiment. Il y a quelques positions où on est, comme on l'an dernier un peu, il y a quelques positions où il faut retrouver, mais moi, on vise clairement encore les séries l'année prochaine. On vise à être une équipe compétitive. On va voir à quoi la division va ressembler. Il y a plusieurs rumeurs présentement. Probablement que la Beauce redescendrait, viendrait dans la Nord-Est. OK. Ensuite de ça, il y a des équipes qui vont monter. Saint-Hyacinthe, c'est sûr. Peut-être Anticyc. Donc, à partir du moment où on va être fixé un peu sur à quoi va ressembler la division Nord-Est, ben à ce moment-là, on va pouvoir créer nos objectifs. Puis c'est sûr qu'on a un gros 3 mois de recrutement là, qui va être très important dans les... J'imagine que ça va être encore la France qui va être... tu vas aller là? Est-ce que tu es là? On a toujours une façon de faire. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, je suis là. Okay. On a toujours la même façon de faire. C'est-à-dire qu'on commence au Québec. Donc, nous, on va aller chercher, on fait les visites des écoles, plus on est déjà sur les messages avec les joueurs pour les joueurs québécois. Puis, ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher au Québec, ben on va venir le combler en France au mois de janvier. OK, donc on va surveiller ça d'après. Est-ce que t'es déjà en négociation avec certains joueurs pour des joueurs d'impact qui pourraient changer la donne au Québec? Ben, en fait, on pouvait commencer à recruter aujourd'hui, Danny. Donc, okay. C'était impossible pour moi d'avoir des messages avec des gars. Mais là, c'est sûr que là, on commence aujourd'hui. On est là-dessus. Puis là, oui, il y a déjà des joueurs qui démontrent leur intention de venir. Mais les gars se gardent les portes ouvertes. Puis c'est normal aussi. Il y a certains gars qui sont en temps pour parler avec des équipes de division 1 aussi, des équipes de division 2. Donc, il faut être... Faut être conscient que les joueurs ont des options différentes qui vont s'offrir à eux. Donc, ils vont prendre le temps de regarder leurs options. Puis nous, c'est à nous à travers ça, de les convaincre que à Jonquière, c'est une superbe. C'est la meilleure option pour eux. OK. Dis-moi, les joueurs du haut du lac. Fais-moi un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Bon, ben écoute, si on prend les joueurs du haut du lac, ça a quand même bien été. Un gars comme William Saint-Pierre qui a terminé sa carrière, une très bonne saison, de demi-défensif dominant, un gars qui a fait deux interceptions ramenées pour des touchés. Ça a été un excellent joueur, un bon leader, un gars d'impact. Un gars que s'il demeure dans la région, parce que là, c'est pas encore à l'université, s'il reste à Chicoutimi ou s'il s'en va... en dehors de la région, mais si moi il reste dans la région, c'est un gars que j'aimerais intégrer tranquillement à mon coaching staff. Là, c'est une bonne tête de foot. Tu parles de William Saint-Pierre? C'est un gars que j'adore. Ouais. Ok, c'est un gars que j'adore. C'est un gars, je pense, qui est capable de coacher, puis que ça serait pas gênant à rentrer dans le coaching staff. Là. Okay. C'est un gars que c'est sûr que s'il reste dans la région, on va avoir une bonne discussion ensemble. Jordan Fortin, très bonne saison terminée. Ben, une saison en dents de scie, c'est-à-dire ouais, Jordan. Blessé, hein? Quand il était là, il était super bon. Là. Jordan, c'est Jordan, un power back qui court avec puissance. Mais malheureusement, sa saison est en dents de scie parce que bon, il s'est blessé au premier match, a manqué les deux matchs suivants. Ensuite de ça, il est revenu, il s'est blessé au genou, il s'est fait clipper, donc il s'est blessé au genou. Il a remanqué deux matchs, il a été suspendu sur le dernier match de la saison pour un coup à la tête. Bon, disons que c'était discutable, mais bon, la sanction est tombée quand même. Il a raté le match de quart de finale. Donc ça a été difficile pour Jordan de prendre son rythme. Il a quand même une excellente saison, mais c'est ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça... Il y aurait eu une saison encore plus incroyable, là, c'est certain. On voyait qu'en fin de saison, il manquait un peu de rythme, justement, dû au fait qu'il a été beaucoup absent durant la saison. Ensuite de ça, Mathieu Delisle, joueur de ligne défensive, très bonne saison aussi. Deuxième saison, beaucoup de sacs du corps, meneur d'un sac du corps dans la division. C'est un joueur qui est explosif, qui est rapide. Donc, c'est un joueur qui va être très, très fort pour sa dernière saison l'année prochaine. C'est un joueur de ligne défensive qui est très rapide. Donc, pour les carrières, c'est un très bon chasseur de corps, si on veut. Ensuite de ça, Jacob Gagnon, bonne première saison avec les Gaillards. A bien fait. C'est un gars de Saint-Félicien. Okay. Donc, c'est un gars qui a pas eu beaucoup de terrain, du terrain quand on avait l'avance et tout, parce qu'on avait des bons vétérans au niveau des demi-défensifs. Mais quand on a fait appel à lui, il a bien fait. Même chose pour Nicolas Bilodeau. Il a eu une bonne saison, il a bien appris, il a eu son changement de position aussi en défensive qui fait que ça le retardait un petit peu, une blessure aussi. Mais en gros, il a eu quand même une très bonne saison, une belle progression, donc Nick devrait bien continuer ses affaires. Ensuite ça, on a William Gagnon, le frère de Simon, qui a eu une bonne saison aussi, qui a eu un rôle plus important cette année, qui l'an prochain revient pour sa quatrième et dernière saison. Donc, on pense que c'est un joueur qui va être capable d'amener beaucoup à l'équipe. Donc, c'est ça. Là. On est quand même très fiers de la saison que les gars du Haut-du-Lac nous ont donnée. Puis, on espère être capable d'aller chercher quelques autres bons prospects, malgré que c'est quand même assez restreint. Là. Il y a quelques joueurs qui finissent à Saint-Félicien, mais ce n'est pas le programme que ça a déjà été. Il n'y en a pas beaucoup cette année. On va voir... On va tendre des perches, voir avec les gars si il y a des programmes qui peuvent les intéresser. Puis des fois, c'est des gars qui veulent pas bouger nécessairement. Les parents veulent pas trop, étant donné qu'il y a un cégep à Saint-Félicien. Fait qu'on va voir de ce côté-là qu'est-ce que ça peut nous dire. OK. François Laberge, très intéressant. Merci de ta collaboration encore une fois cette année. C'est fort apprécié. Une belle collaboration avec les Gaillards et les Cougars aussi. Donc, c'était la dernière entrevue du football collégial cette année. Merci beaucoup encore une fois. Toujours un plaisir, Danny. Voilà, donc l'instructeur-chef des Gaillards de Jonquière, François Laberge.